Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? J'imagine que vous êtes en pleine forme puisque vous savez que deux heures de métal vont vous décrasser les oreilles, vous enlever quelques neurones au passage. Par contre, vont vous satisfaire, j'imagine, bien sûr. Donc ce soir, non pas d'invité, retour à la normale. Donc j'aurai quelques nouveautés à vous proposer. Elles seront au nombre de trois. Et on va se faire aussi un double hommage, puisque cette dernière semaine, nous avons une légende du rock qui nous a quitté, Gary Brooker, pianiste et chanteur de mythique Procolarum, groupe précurseur de rock progressif, et plus près de nous, de Mark Lanegan, des mythiques Screaming Trees, qui était chanteur et guitariste donc des Screaming Trees, et qui a fait partie de Queens of the Stone Age et de bon nombre de projets solo, qui nous a quitté à l'âge de 57 ans, c'est triste, donc on se fera un petit hommage de ces deux grands messieurs dans l'émission. Et puis bien sûr, donc, un petit survol de l'actualité musicale métal, comme toutes les semaines, donc vous connaissez l'émission, bien sûr, j'imagine, puisque c'est quand même déjà le 698e numéro d'Electric Shock. Quand même, ça commence à faire. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec un vétéran de ce qu'on appelle la New Wave of British Heavy Metal, qui n'a pas fait partie des grands élus qui ont fait une grande carrière, mais qui est toujours là quand même. C'est Vardis qui est revenu avec un petit live pour célébrer les 40 ans du premier album qui était un live, 1MPH at 100 Club, donc enregistré en mars 2020, juste avant la pandémie. Premier morceau de ce soir, Rock and Roll like Destiny. Free. Ça s'arrête brutalement. The Lion's Share et Destiny, donc deux extraits du 100 MPH at 100 Club, sorti en fin d'année dernière. Voilà, donc on a commencé rock'n'roll. On va se faire quelque chose d'un petit peu plus brutal maintenant, avec ce qu'était la seule nouveauté de la semaine dernière, c'est le nouvel album de Voivode, la légende du trash industriel, enfin groupe inclassable, qui nous est revenu avec un excellent album qui s'appelle Synchro Anarchy. Et pour ce soir, eh bien, on va se faire une petite Quest for Nothing. Les Parisiens de Except One avec leur album Broken, c'était le morceau Void. Juste avant Except One, venu du Québec et légende du métal Voivod, avec leur dernier album Synchro Anarchy, c'était Case for Nothing. Voivod, qui nous est sorti d'aucun album, qu'on peut trouver en déclinaison en double CD, avec un live enregistré en 2018 au Québec. C'est toujours un régal d'entendre le chanteur Snake parler de la langue de Molière avec l'accent québécois entre deux morceaux furieux. C'est toujours... Il y a un côté presque amusant, on va dire, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à faire un petit tour en Californie pour retrouver le groupe Fortress, que vous devez connaître depuis plusieurs semaines déjà? Fortress est un jeune groupe américain qui, par contre, est resté bloqué dans le heavy metal britannique des années 80. Si vous avez écouté l'album Don't Spare the Wicked ou Electric Shock ces dernières semaines, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Et le morceau Red Light Number ne fait que confirmer, bien sûr, cet état de fait. l'esprit de la New Wave of British Heavy Metal à l'instant avec les Suédois de Black Trip qu'on peut trouver sur leur second morceau Coming Home qu'on peut trouver sur leur second album sorti en Shadow Line qui était sorti en 2015. Oui, ce soir on va faire marcher la boîte à souvenirs à plusieurs reprises, croyez-moi. Juste avant, beaucoup plus récent, mais pareil, vraiment scotché sur les années 80, Fortress, leur album Don't Spare the Wicked, et c'était le morceau Red Light Runner. Maintenant, première nouveauté de la semaine, avec une légende du rock français, dont c'est le sixième album solo, c'est Paul Pechnard. Alors Paul Pechnard, ce nom, si je vous dis ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que c'était quand même le guitariste fondateur des Dogs, ah, ça vous parlera peut-être davantage. C'est vrai que les Dogs, ça a été comme un des groupes fondateurs de la scène rock française jusqu'au début des années 2000, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et c'est vrai que c'est un groupe qu'on a souvent tendance un petit peu à négliger quand on pense à du rock français, et pourtant, ils ont quand même fait beaucoup. Enfin, toujours est-il que le monsieur a fait quand même pas mal d'albums, il a fait pas mal d'autres choses également, puisque là, c'est déjà son sixième album solo, qui s'appelle « Ce que Tanguay veut dire », et qui est sorti donc début février. Alors je dois avouer que connaissant le pédigré du monsieur, je m'attendais à du rock, ça c'est clair, mais quelque chose d'un petit peu plus péchu, parce que par moment on est quand même pas loin de la variété, quand même de qualité certes, mais enfin, je m'attendais à quelque chose de plus couillu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Enfin, il y a quand même des choses sympas sur cet album, comme le morceau « Comme un homme ». Je tombe le monde comme on dévisse pour aller bosser en marchant en colonne. En bordel, en file indienne, prenant des kits comme à Cayenne. Je ne suis pas une bête de somme, mais un homme. Le soleil brille au-dessus des toits, c'est le moment de choisir une nouvelle voie. À faire, que le crime sans jamais boire un verre. Je ne suis pas si bête en somme, mais un homme. Quand tu m'entends au petit matin, quand notre voix tu es trop loin, j'entends ta voix qui résonne. Le monstre croit que je ne suis pas brûle de tout serrer dans ses bras. Dans mes veines, mon sang bouillonne quand tu t'approches de mon corps d'homme. Trouver la place de l'homme en moi, c'est vraiment pas si facile. Les extrêmes, comme tous les spécimens de l'espèce humaine, et quelque chose de plus fort que moi me pousse sans cesse dans tes bras. tears go drippity drop. Drip drop, drip drop. I don't know why my tears don't stop. Drip drop. Running down my face. Drip drop, my tears go drippity drop. Drip drop, drippity drop. Drip drop, I don't know why my tears don't stop. Drip drop. Drippity drop, drip drop, drippity drop. Rock and roll, mais cool. Brian Setzer, le légendaire guitariste des Stray Cats, c'est son dernier album solo sorti en fin d'année dernière. Gutter of the Rumble, c'était Drip Drop. Et ça, une autre légende du rock français. Paul Pechnard et son nouvel album solo. Ce que Tanguay veut dire, c'était le morceau Comme un homme, et ça, c'était donc la première nouveauté de la soirée. Revenons à ce qui est le premier coup de cœur d'Electric Shock pour ce début d'année 2022. C'est le nouvel album de Saxon Carpe Diem, qui, on en passe déjà pas mal d'extraits depuis plusieurs semaines. Et c'est vrai que s'il est sans surprise, c'est quand même du tout tout bon, et Biff Bifford nous montre qu'à 70 ans passés, on peut toujours envoyer du bois, comme on dit. Et je nous ai choisi ce soir un morceau assez épique, qui nous rappelle quelque peu le Crusader, déjà rien que par le propos, c'est The Pilgrimage. superbe morceau que ce Pilgrimage, extrait de Carpe Diem, le dernier opus donc de Saxon. Ça doit être leur 23e ou 24e album, je ne sais plus très bien. Enfin bref, une merveille comme d'habitude, on peut dire que Saxon, groupe qui a fait quasiment fait une carrière sans faute. Eh bien, comme je vous le disais en début d'émission, on va se faire maintenant un hommage à Mark Lanegan, légendaire donc chanteur des Screaming Trees, groupe de Seattle qui a influencé toute la vague qui a suivi Nirvana, Soundgarden et j'en passe, et des meilleurs, même si ce groupe n'a jamais eu le succès des groupes nommés à l'instant. Enfin, toujours est-il que c'était devenu une légende. En plus, déjà de par ses participations à The Queens of the Stone Age, à ses nombreux projets solo, tellement il y en a, je crois, je pourrais même pas tous vous les citer, en même temps sous son nom également, qui nous a quittés donc mardi dernier à l'âge de 57 ans, c'est toujours triste. Enfin, c'est clair que sa voix chaude et rocailleuse va nous manquer à beaucoup. Bon, pour ce soir, je nous ai choisi un extrait d'un single sorti en 1998, qui était le single de la chanson Stay. C'est ce qu'on appelle la face B, la B-side, c'était le morceau Don't Have No Mercy, un morceau presque prémonitoire, presque 20 ans avant. Standing and crying in this land. You come to your house and you won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Death will leave you standing and crying in this land. No, death don't have no mercy in this land. In Chains, Got Me Wrong, extrait d'un EP sorti en 1992, c'était, qui s'appelait SAP. Juste avant, bah, c'était un hommage à Mark Lanegan, c'était donc un extrait d'un de ses singles, Death Don't Have No Mercy, extrait donc du single Stay, sorti en 1998. D'ailleurs, un grand merci à l'ami Roger, notre disquaire bien connu, qui m'a prêté ce disque pour pouvoir faire l'émission ce soir. On continue maintenant avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe de trash qui nous vient de la région parisienne, qui vient de sortir son premier album, Tout Chaud Tout Bouillant, puisque c'est sorti vendredi, qui s'appelle Fear and Devastation. Le groupe c'est Burning Dead, et je vous invite à découvrir avec le morceau They're Coming. Understand. Walter Touron sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. La première heure d'Electric Shock vient de s'achever à l'instant avec les Fous Furieux de Dead Three Seeds, groupe parisien de thrash, qui vient de nous sortir un petit EP sympa de 4 titres avec 3 morceaux réenregistrés de leur premier album. Et c'est ce morceau 1796 qui est le morceau inédit. Un morceau vraiment carache, ça c'est clair. Juste avant, tout nouveau, puisque c'est leur premier album et c'est également la deuxième nouveauté de la soirée, un groupe qui s'appelle Burning Dead, et vous avez eu de gros morceaux They're Coming de leur premier album Fear and Devastation. Revenons maintenant à quelque chose de plus rock au sens générique, avec le troisième album de The Verge, que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines et qu'on avait laissé un petit peu de côté ces derniers temps, mais c'est pas pour ça que on l'avait oublié. Donc on va revenir sur l'album Eccentric Girl qui était sorti fin janvier. Et on va se faire un morceau qui s'appelle Sensual Fight. Like people think, But in my mind I refuse to bend. To enter is my preferred terrain. Simple. Extrait de l'album Bad Monkey, c'était tout simplement Bad Monkey. Juste avant That Simple, The Verge et son album Eccentric Girl, leur troisième, c'était le morceau Sensual Fight. Je vous avais dit en début d'émission que on allait se faire un double hommage puisqu'on a eu d'abord la douleur d'avoir perdu Mark Lanegan la semaine dernière. Et la semaine dernière aussi, on a appris ça, alors que ça faisait déjà un petit moment que c'était arrivé, le 19 février dernier, est décédé Gary Brooker, qui était le leader, ainsi que le pianiste et le chanteur de ce groupe mythique qui était Procol Harum, groupe précurseur de ce qu'on a appelé le rock progressif. Un des premiers groupes à mélanger rock et musique classique avec beaucoup de classe et beaucoup de pompe, on peut le dire. Et un groupe qui a eu quand même pas mal de succès dans les années 70, qui s'est séparé après, qui est revenu aux années 90, même si Gary Brooker était quasiment le seul membre d'origine quasiment jusqu'en 2022. Leur dernier album studio datait de 2017 quand même, donc comme quoi toujours une actualité quand même intéressante. Et on pense quand on pense Procol Harum, on dit tout de suite morceau White Shade of Pale, qui est considéré comme un des plus grands classiques de rock de tous les temps. D'ailleurs, un morceau qui leur a tellement fait d'ombre, faut dire qu'il s'est sorti sur le premier album. Après tel succès, c'est difficile de faire mieux. Ils sont toujours restés dans l'ombre de ce morceau à tel point que je crois qu'ils finissaient vraiment par le détester. Pourtant, il y a d'autres morceaux quand même qui méritent vraiment d'être connus, comme Grand Hotel, je pense Salty Dog, Hombourg et bien d'autres. C'est pour ça que ce soir, je voulais choisir, ben, non pas leur classique, mais le morceau Conquistador, pareil, qui était sorti sur le premier album. Et je nous ai sorti une version enregistrée live avec un orchestre symphonique qui magnifie encore, justement, la prestation du groupe. Un concert enregistré, donc, au Danemark, à Leiderborg Castle, en 20 août 2006, et qui est sorti en 2008. Et donc, Procolarum, extrait donc de cet album qui s'appelle In the Concert with the Danish National Concert Orchestra and Choir. Bref, une superbe version de ce classique du groupe mythique britannique. Vous savez d'où vient le nom Procolarum? Vous dites, c'est quoi? C'est une locution latine? J'ai peut-être raté ça pendant mes cours. Non, pas du tout. C'était tout simplement le nom du chat d'un des copains du groupe. Faut être tordu pour appeler son chat Procolarum quand même. Enfin bon, voilà. Conquistador, your stallion stands in need of company. Like some angel's halo proud, you reek of purity. See our armor threatened breast has long since lost its sheen. And in your deathless face there are no signs which can be seen. Door and vulture's 20h20 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Cette parenthèse orchestrale vous était donc offerte par Electric Shock et je vous le rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était donc les mythiques Deep Purple with Orchestra avec le morceau Rapture of the Deep, extrait de l'album Live at Montreux 2011. Sorti donc cette même année 2011, un album où Deep Purple était accompagné d'un orchestre pour jouer sa setlist habituelle, contrairement à l'époque du concerto où Deep Purple avait adapté sa setlist pour que l'orchestre magnifie un petit peu leur morceau. Voilà. Juste avant, Procol Harum avec Conquistador, en hommage donc à Gary Brooker, fondateur, chanteur et guitariste, non pas guitariste, et pianiste et leader de ce groupe mythique. Et donc un extrait d'un album sorti en 2008 qui s'appelait In Concert with the Danish National Concert Orchestra and Choir. Bref, c'était une belle prestation rock et orchestre classique. Maintenant, on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée. On va faire un petit tour en Savoie. Je vous invite à découvrir un trio un petit peu spécial qui s'appelle Crazy Jesse. Alors Crazy Jesse, qu'est-ce que c'est? C'est deux frangins, basse, un bassiste et un batteur, avec une chanteuse énergique qui ferait penser un petit peu à Lizzie Hale de Hellstorm. Donc, un truc un peu curieux, puisqu'il n'y a pas de guitare, mais la basse fait très bien office de gratte. Et ce groupe vient de sortir son premier album qui s'appelle Le Fil de l'Histoire. Et bon, on va faire tout simplement Le Fil de l'Histoire. Noir, c'est peut-être noir, on a vite On est prêts que c'est pas trop tard. Your Mom, groupe de, enfin, duo de fous furieux, elle à la basse et au chant, et lui à la batterie. Voilà, ça nous donne donc ce duo Your Mom. Et un extrait donc de leur dernier album Tropical Fuzz, sorti en fin d'année dernière, c'était Je ne sais pas. Tout nouveau aussi, par contre, groupe qui nous vient de Savoie, c'était la troisième nouveauté de la soirée, Crazy Jessie, avec Le fil de l'histoire, extrait donc de l'album du même nom. Et là, on va faire un bond dans le temps, on va se retrouver 50 ans en arrière, avec un groupe mythique qui vient de nous sortir son nouvel album, je crois que c'est le 19e ou le 20e, je sais plus très bien. C'est Scorpion. Alors Scorpion, j'aurais bien aimé pouvoir vous diffuser un extrait de nouvel album qui paraît-il est vraiment excellent. Seulement, je l'ai pas encore reçu. Alors j'espère que ce sera une des nouveautés la semaine prochaine. Donc pour ça, on va aller faire un petit retour, façon de parler, puisqu'on va revenir à leur premier album qui était sorti exactement il y a 50 ans. Album très particulier qui a d'ailleurs assez mal vieilli. Il faut dire, quand on l'écoute maintenant, ouais, c'est clair que c'est une production des années 70, mais qui pour l'époque n'avait pas rougir avec ce qui se faisait du tout, et que pour un premier album, il y avait déjà une sacrée maîtrise, ça c'est certain. Klaus Meine était déjà en place, la voix était déjà reconnaissable, et puis celui qui impressionne le plus dans cet album, c'est le petit Michael Schenker. Quand on sait qu'il avait à peine 16 ans quand il avait enregistré l'album, on peut dire chapeau l'artiste. Donc, avant de découvrir Rock Believer, on va redécouvrir Lonesome Crow avec un morceau qui s'appelle I'm Going Mad. Bon, ce qui fait sourire, c'est l'accent de Meine, assez, on va dire, voilà, très germanique, voilà. C'était donc la séquence, donc, retour vers le futur. Sort de la DeLorean et on remercie le Doc pour cette petite balade dans le temps. Retour au 21e siècle. À l'instant, on était en 1972 avec War Horse. War Horse était le projet que Nick Simper, le premier bassiste de Deep Purple entre 68 et 69, avait créé juste après son éviction du groupe. Et c'était donc le morceau Red Sea là qu'on a eu à l'instant, extrait donc du deuxième et dernier album. Parce qu'il y aura eu deux albums du groupe Red Sea sortis donc en 1972. 1972, c'est également l'année où Scorpion a sorti son premier album Lonesome Crow, et on a eu le morceau de I'm Going Mad, extrait de cet album. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'espère pouvoir vous présenter le nouvel album la semaine prochaine. Bon, maintenant que nous sommes revenus au 21e siècle, faisons-nous quelque chose de plus actuel, même si eux aussi, ils ont fait marcher un petit peu la machine à remonter le temps, puisqu'ils sont restés bloqués aux années 80, comme leurs compatriotes de Fort West qu'on s'est passé tout à l'heure. C'est les New Yorkais de Tower et leur album Shock to the System, qui eux, pareil, sont restés bloqués sur ce qu'on appelle The New Wave of British Heavy Metal, mélange de Judas Priest, de Riot, de voilà, bref, plein de bonnes choses malgré tout. Ce soir, c'est Prince of Darkness que vous allez découvrir. that cool. The world is watching you. They see the man coming towards you. La relève du heavy metal français, elle est là, elle est toute chaude, c'est Existence, avec un extrait de son dernier album Wolf Attack. C'était Wolf Attack, vraiment une belle réussite que ce quatrième album de ce gros jeune groupe. Juste avant Existence, un groupe qui nous vient des États-Unis, Tower, c'était le morceau Prince of Darkness, extrait de Shock to the System. J'imagine que, comme tout le monde, vous regardez les actualités et que ben vous êtes un petit peu consterné par tout ce qui se passe en Ukraine actuellement et désespéré de voir que ben, la guerre est quand même pas loin de chez nous et que à cause d'un fou furieux, on ne sait pas trop ce que demain sera fait. Donc ce soit une petite pensée pour l'Ukraine avec on va se faire aller un petit extrait donc du Alive in Melbourne de Ginger. Le plus grand groupe ukrainien, d'ailleurs un grand espoir du métal actuel. Voilà, en référence à l'actualité. Donc extrait de cet album live qui était sorti en fin 2020, c'est le morceau Ape. Letting out the land for a thousand years. And now they find all becoming outside. The cooking water, the promos soap. And not to mama give it outside. Disaster's going to find a way to be a head and not a form of miracle. The private mirror and options are the middle of your flesh. The general mind through dysfunction and chaos. While the outlaws was coming itself, the one to notice all its soul to pose. Voracious evil worms that prey, who dares to snatch and satisfy his appetite. judgment. Stand your own punishment. C'est donc pour l'Ukraine et les Ukrainiens avec le groupe du coin le plus célèbre, Ginger, là, Judgment and Punishment, extrait donc de Live in Melbourne. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de votre magazine métal. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine où j'aurai bien sûr encore des nouveautés à vous proposer. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À mardi, salut à tous!